simplement peut-être de ne pas chercher ailleurs et de profiter de toi qui me berce dans tes bras, qui me protège de ma douleur et mes tourments. Je ne veux que ça, de la douceur et ton amour, et te garder toi qui me berce. Et moi.